voyous, ils le savent. Tous les gens comme nous, ils le savent, mon frère. Microbes, voyous, ils le savent. Tous les gens comme nous, ils le savent, mon frère. Et comme nous ça écoute les collègues, ça marche à l'adrénaline, aux problèmes, aux pognons, aux pollen, aux coups de pression, aux coups de colère. Et comme nous sommes mauvais joueurs, garde rancune, reste entre eux. Le bon ils se le fabrique, donc sans reprendre, croyant Dieu. Et comme nous ça perd leur temps, leur sang-froid, leur vocation. C'est élevé à la dure, la vraie éducation. C'est jamais joignable et dur d'oreille. Ça fait l'amour sans amour, rêve la vie au lieu de la vivre. Les comme nous c'est fou d'oseille, ça passe en revue, Scarface c'est le parrain. Et comme nous c'est pas en règle, c'est pas pareil, c'est même pas en rêve. Ça a l'esprit vif, pas besoin de grand chose. Ça se parle vrai, garde un petit mot, peut naître une grande cause. Ça épluche la rue jour et nuit, fait mal sans s'en rendre compte. Ça a souvent les civils au rétro, la révolution dans le poste. Pour rien ça s'emporte, ça devine ton jeu sans demander encore. C'est jamais d'accord, jamais raccord et toujours en tort. Microbes, voyous, ils le savent. Tous les gens comme nous, ils le savent, mon frère. Microbes, voyous, ils le savent. Tous les gens comme nous, ils le savent, mon frère. Les gens comme nous, ça n'abandonne pas, on s'engouffre, ça sonne hard, on s'en souffre, on dort pas, ça semble fou. Cherche pas, on s'en fout, on est à l'arrache, ouais sans doute. Faut le cash, quoi qu'il en coûte, pas qu'on gâche, mais que la chance tourne. Sur le terrain, on chante course, dos au mur, on tente tout. Vous devriez savoir, on se connaît peu parce qu'on est ceux que vous ne voulez pas voir. Mais on nettoie vos chambres, on prépare votre bouffe, on bâtit vos maisons, on répare vos routes. Au départ, beaucoup, moins ça l'arrivée. Les portes se coincent, les dents grincent, la vie te pince si tu rêvais. Réveille-toi, personne t'aime, à part les tiens, tu peux crever. Démerde-toi, personne t'aide si t'as pas fait ce que tu devais. Nous on sait se débrouiller avec les moyens du bord. On sait que ce qu'on vit de plus dur, c'est ce qui nous rend plus fort. On sait que l'époque est gore, que le bon vieux temps est mort. On sait que la sagesse vaut plus cher que l'argent et l'or. Les gens comme nous ça court les rues. On est des millions à refuser de vivre comme des chiens parce qu'on est des lions. On a ni hymne, ni couleur, ni drapeau. On a la rage de vivre, la fureur de vaincre, la mémoire dans la peau. On risque gros pour gagner gros, cousin. On vient sans faire de bruit comme un coup de feu tiré à travers le coussin. J'suis pas tout seul, je prête ma voix à ceux qui sont tus. Que les gens comme moi allument leurs briques pour ceux qui ne sont plus. Y'a les lois, la rue et la loi de la rue, c'est la loi de la jungle. Paix à tous ceux qui ont rejoint l'au-delà jeune. C'est pour tous ceux exploités par la machine. Trop fiers, trop dignes, qui encaissent les coups sans courber les chines. Les comme nous cherchent le bien sans le trouver, trouvent le mal sans le chercher. On a tous un truc à se prouver. Les comme nous préfèrent agir, quitte à s'en repentir, plutôt que se repentir de n'avoir pas agi. Dites sur ça, microbe voyou, il le savent. Tous les gens comme nous, ils le savent, mon frère. Microbes, voyous, ils le savent. Tous les gens comme nous, ils le savent, mon frère. On sait que nul n'arrive au sommet sans souffrir. On refuse d'endosser le rôle du boana du sous-fifre. On frappera à la porte jusqu'à ce qu'elle finisse par s'ouvrir. Mentalité de guerrier, on sait qu'on devra lutter jusqu'à notre dernier soupir. On sait qu'il n'y a rien de plus beau que les souvenirs. Les gens comme nous partent à la gratte parce que c'est pas les sous qui vont venir. Quel que soit le problème, ici on en revient toujours au blé. Ainsi on parle d'aller finir nos jours au bled. Des rêves plein la tête, mais les pieds sur terre. Les gens comme nous se demandent souvent ce qu'ils sont venus foutre sur terre. Mais on refuse d'abdiquer, on y croit. Les gens comme nous savent que derrière des défaites se cachent des victoires. On est à part, pas à plaindre, on veut pas de ta pitié. Les gens comme nous voient de l'amour dans l'amitié. Autant de force qu'on n'a jamais su utiliser. Parce que malheureusement les gens comme nous sont divisés. Microbes, voyous, ils le savent. Tous les gens comme nous, ils le savent, mon frère. Microbes, voyous, ils le savent. Tous les gens comme nous, ils le savent, mon frère. Ils le savent, mon frère. Ils le savent.